Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bid-Ammaj au Yémen, cours numéro 24. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Juste avant qu'on commence dans le dars 110 ou 20, juste un truc. Je sais qu'hier quand j'avais réécouté un peu par rapport à l'audio des nombres, avec les répétitions et comment on a pris le dars tard et tout, des moments où ma langue m'a devancé. Des fois j'ai mis du muzakkar mu'annath, du mu'annath muzakkar. Par exemple des fois peut-être j'ai dit Sittatun ou Aishwumata Libatan, par exemple, tu vois. Alors j'aurais dû dire Sittu. Il se peut qu'il y ait des erreurs comme ça qui se trouvent dans l'audio. Donc, ne pas y faire attention, tu vois. Si la personne a compris la règle, qu'elle se base pas sur ma parole à moi. Vous voyez. Et la vraie herlope de, quand tu m'as demandé une fois, c'est quoi l'herlope de Isna Achar Taliba? Par exemple, si on dit Ja Isna Achar Taliba. En fait, je me suis rappelé la vraie lobe de. Je sais que c'était un truc compliqué. La vraie lobe de Ashara, enfin, il y a un khilef, c'est qu'en fait, il y en a qui disent qu'il est badel du Noun de Snen qui a été enlevé. Tu vois, Isnen, il a été enlevé. Donc, on dit Snen, Ashar. Et la Ashara, il y en a qui disent quoi? Son yalob, c'est qu'il est badel de ce Noun qui a été enlevé. Mais c'est un peu, tu vois, c'est subtil. Comme je l'avais dit hier. Hier, moi, je me suis dit, je sais que c'est subtil, mais je m'avais oublié c'était quoi l'yalob. Il était basé sur ce qui paraissait logique, mais en fait, parce que je me rappelle bien, c'était ça, en fait. Mais celui qui n'a pas compris, de toute façon, c'est pas le mot d'or du Ders. Ça viendra plus tard, Inch'Allah. Quand même. Ça, c'est un abdaf, il Ders, Sadis ou Aishirin, qui lui se rapporte encore à Kaana. Car Kaana, il est déjà passé avec nous au début du Kitab. Et là, ils l'auront mis, je ne sais pas pourquoi. Sadis ou Aishirin. Le Khamis. Aïe, ouais, Khamis ou Aishirin, enfin. Ah, je vais sauter les pages. Qui se rapporte à Kaana, comme je t'ai dit, et il l'avait déjà mis au début du livre, je sais pas pourquoi il le remet là. S'il l'avait formé une fois, ça aurait été plus concis. Et rien, Inch'Allah. Taïeb. Takraman. Omar, un talib, c'est le mudarris. Comment tu veux tout d'un tahtar? Vas-y, bien, Inch'Allah. Elle dit, c'est-à-dire que je prends le mudarris, je prends tous les autres. Vas-y. Pas mal? Taïeb. Alors, mudarris, c'est cool. Eina Anwaru ya Omar. Donc le modèle se dit où est Anwar ou Omar? La adri ra'aytuhu qabla qalil kana waqifan kharij al-fasli. Donc il dit je ne sais pas, je l'ai vu il y a peu de temps, il était debout à l'extérieur de la classe. Donc waqif c'est debout et kharij c'est à l'extérieur. Le modèle se yakoul kayfa hal Ammar al-an ya Sa'd. Donc, Moudaris dit, comment va Ammar, actuellement au Saad? Il était malade depuis une semaine. Donc, Saad dit, il est toujours malade au Fadil Tashir, je ne sais pas comment traduire, c'est un éloge quoi. Imminence. Non, pas dire éminence, mais c'est un peu gros éminence. Parce que sinon, c'était plutôt pour les rois, on disait éminence. Mais non, c'est large, quoi. Donc là, également, le verbe la yazalu, ça dépend dans le ders, qui veut dire ne pas cesser, être toujours, ainsi de suite. Donc la yazal maridon, et il est toujours malade, en fait. Dans le siakoul, samiatu annahu yuridu an yatruka al-mustashfa wa yarji'a ila baytihi. As-sahihun hadha. Donc il dit j'ai entendu qu'il voulait. Laisser l'hôpital et retourner à sa maison. Est-ce que cela est vrai? La hada ghayru sahih. Dit non, cela n'est pas vrai. Madha ya'mal abuka ya Ibrahim? Sami'tu anna wazirun. Il dit quel travail, quelle est la fonction de ton père, ou Ibrahim, quel travail fait-il? J'ai entendu qu'il était ministre. Kana waziran qabla sanatayn. Huwa al-an safir. Il dit il était ministre il y a 2 ans, il est aujourd'hui ambassadeur. Dans les siakoul. وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ قال لي أحد زملائك أنه مدرس. Donc il dit quel travail fait ton père, ô Amr? Un de tes camarades m'a dit qu'il était enseignant. كان مدرسا من قبل وهو الآن موجه في المدارس الثانوية. نعم. Donc il dit il était enseignant auparavant et il est actuellement موجه serait un recteur. Ou ceux qui dirigent les écoles, c'est quoi leur nom? Recteur à la base, recteur c'est au-dessus de directeur. Recteur c'est dans plusieurs écoles. Mais celui-là, là, le Mouazjih, comme on dit, c'est celui, il est en dessous du directeur de l'école et au-dessus des pions. Il se déplace de classe en classe et s'occupe des absences, des choses comme ça. J'ai oublié son nom. Donc il a cette fonction-là, tu vois. Dans les écoles, au collège plutôt. Dans les écoles, Wamaza Yamel Abouka, Ya Yaqoub. Et quel travail fait ton père, ô Yaqoub? Donc il dit qu'il était policier, il est actuellement à la retraite. Mutaqaïd, c'est retraité. Dans les écoles, Ya Babak, Kultali Kobl Salasi Sanawatin. إن أباك عميد كلية الهندسة متقاعد والآن donc il dit oh Abou Bakr ou Abou Bakr tu m'as dit il y a 3 ans que ton père était pareil le Amid je sais pas comment traduire c'est comme une sorte de un peu comme Wajih chef de d'une section tu vois dans la faculté d'ingénierie, je sais pas comment le traduirait. Amutakaidun huwa al-an. Ça c'est des trucs propres, tu vois, c'est tu peux pas les trouver vraiment. Maintenant dans le Kamus, tu vas pas le trouver, à part si tu mets Amidi, ça se trouve ils vont te mettre un pilier. Tu vois? C'est Am. Et là, il veut dire un truc propre par rapport à l'éducation. Et j'ai oublié comment il s'appelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un poste qui a principal dans la faculté. Oui. T'as coupé ta zile? Mmh, là. Ah, j'ai voulu plus de rouge. Là, là, là. Là, là, yazalu amidan. Donc il dit non, il est toujours amid. Amdolis yakoul. Ya akhtar, samitu ana haka tabibun shahir. Wa yatini l'marda, ou yatini l'marda, min jamia anha Pakistan. Ou anha Pakistan. As-sahihun hada. Donc il dit Ya Akhtar, j'ai entendu que ton frère était un célèbre médecin et que les malades lui venaient de toutes les directions du Pakistan. Est-ce que cela est vrai? Donc ouais. Afwan, juste tambi anha, là, c'est le diable de Nahu, qui veut dire direction en fait. Il vient de partout du Pakistan, quoi. Vous voyez? Là de Marna direction. Nam. Fadal. Nam, hada sahihun, ya fadilat al-shaykh. Il dit, cela est vrai au grand cher, on va dire grand. Dans les siakoul, Ya Othman, idhab ila al-maktaba wa hat al-juz al-thalith min lisan al-arab. Donc il dit, Othman, va à la bibliothèque et ramène le troisième volume de lisan al-arab. C'est-à-dire la langue arabe, c'est le nom du livre, ça s'appelle comme ça. Lisan al-arab. Ya fadilat al-shaykh, adhunnu anna lisan al-arab mu'jam. Donc il dit, oh grand cher, je pense que l'islam al-arabe est un dictionnaire. Voilà, c'est cool. Naam, wa murjamun kabirun fi 20 juz'a. Il dit, oui, c'est un grand dictionnaire en 20 volumes. Liman huwa ya fadilat al-shaykh. De qui est-il, au grand cher? Dans il dit, il est Wali ibn Manzur. Il est de Ibn Manzur. Yarji Othman. Othman revient. المكتبة مغلقة الآن يا شيخ يقولون إنها كانت مفتوحة إلى لكوا؟ لأذان الظهر. سي كوا لاغي كي كوا لا شوبا؟ أذان الظهر. سي كوبي؟ إلى أذان الظهر. نعم. يجي لا بيبليوتيك est fermée maintenant au cheikh. Ils disent que elle était ouverte jusqu'à l'azan du dhuhr. Dans les يقول يا عباس قل لأخيك الذي يدرس في السنة يدرس عفوا يدرس في السنة الثانية يأتيني غدا donc il dit oh Abbas dis à ton frère qui étudie en seconde année qu'il vienne me voir demain سأقول له إن شاء الله dit je lui dirai إن شاء الله نعم فالأسئلة فلاتيد تاع ربي الدرس اللي غادي ان شاء الله. طيب maintenant كان on avait dit quoi en fait كان c'est verbe être طيب au passé كان et son مضارع سيكون là il veut juste qu'on se concentre sur le passé et كان comme tu vas le voir il rentre dans la jumla ismiya c'est-à-dire mubtada khabar par exemple tu dis Riyad Jalis par exemple donc Riyad est assis là c'est sur le moment donc si on rentre Kana on va dire Riyad c'est Mubtada et Jalis Khabar si on rentre Kana on va dire Kana Riyadun Jalisan Riyad était assis donc là Kana c'est un verbe c'est un fi'l Riyad il devient quoi maintenant après avoir fait Mubtada il change d'irlab il a un nouveau statut il devient quoi Ism Kana c'est pas un fi'l ça s'appelle Ism Kana il est marfou et Jalisan ça va être quoi Khabar Kana il va être mansoub. Il ressemble au fa'il wa ful bihi, là qu'ils ont un autre nom. C'est un truc qui est propre à Kana et à ses sœurs. Kana, elle a des sœurs. Des verbes qui font à peu près le même travail. Juste le sens, il change. Donc il dit quoi, lui, maintenant ? Ikra al-misalayn, summa atril Kana ala jumel al-atiya. Donc lis les deux exemples. Ensuite, tu rentres Kana dans les phrases suivantes. Masalan, il dit Hamidun maridun al-an. Hamid est malade maintenant. Kana Hamidun maridun ams. Hamid était malade hier. Zainabu talibatun. Zainab est une étudiante. Kanat Zainabu talibatan. Zainab était une étudiante. Tfaddal avec ma jumel oukhra ou je te laisse tarjama. Kan al-ma'u baridan. Lis la phrase d'origine. Al-ma'u baridan. Naam. Yani l'eau est froide. Naam. Kan al-ma'u baridan. Naam. L'eau était froide. Ahsant. الباب مفتوح كان الباب مفتوحا يعني la porte est ouverte نعم la porte était ouverte نعم النافذة مغلقة la fenêtre est fermée كانت النافذة مغلقة نعم مغلقة plutôt نعم la fenêtre était fermée هاشم مدرس كان هاشم مدرسا Hashim c'est un professeur. Hashim était un professeur. Ar-rajulu nasraniyun. Kana ar-rajulu nasraniyan. Yani l'homme est un chrétien. L'homme était un chrétien. Al-jawu baridun. Kana al-jawu baridan. Yani le temps est froid. Le climat est froid. Non. Le climat était froid. Non. المدير جالس في غرفته. نعم كان المدير جالسا في غرفته. ها؟ j'ai pas bien entendu. كان المدير نعم جالسا. ها طيب ها j'ai pas entendu. pour ça. طيب entendu؟ pourquoi tu me fais peur? là pas figé. même tu une erreur c'est quoi c'est pas grave. moi je frappe pas les ailes tout le temps. alhamdulillah. Donc, c'était quoi? C'était le directeur était assis dans sa chambre. Non. Le directeur était assis dans sa chambre. Non. هذه الساعة رخيصة. كانت هذه الساعة رخيصة. Non. Yani cette montre est pas chère. Cette montre était pas chère. عمر رجل غني. كان عمر رجلا غنيا. Qu'est-ce que tu réfléchis? Moi je t'écoute. C'est bon, non? Eh ouais, mais. Ah. Là tu es obligé de faire un mazid de t'offrir cette phrase. Yani Omar était un. Yani Omar était un. Ah ouais, attends, ghaniyan. Non, t'as eu raison ce que t'as dit. Maintenant je te demandais c'est quoi l'irlab. كان عمر أيوة كان عمر رجلا غنيا هو سانعت نعم سانعت أيوة أحسنت سك جاي تجي على طيب أحسنت سانعت الخبر كان سي كو سي رجلا نعم عاشرا نعم attends bon on va traduire Omar est un homme riche Omar était un homme riche. Amouna Madiru Mudar. Quoi? Amouna Mudiru Madarasatin. Yanni, notre oncle est un directeur d'une école. Kana Amouna. Kana Amouna Mudiran. Mudiran. Mudira. Moudiran Madarasatin. Yani, notre oncle était un directeur d'une école. Non. Donc là, il t'a fait un khurasa de ce qu'on a dit au début. Faire comprendre c'est quoi l'Irlab avec Kaina. Donc par exemple, tu dis Hamidun Talibun. Là, on a une jumla smiya avec Mtada Khabar. Hamid Mtada Talib Khabar. Hamid est un étudiant. Là, maintenant, on va rentrer Kaina dedans. On va dire Kaina Hamidun Taliban. Donc là, Kaina, c'est un fiel, mardi. Et Hamid, il devient quoi? Ism Kaina. Il est marfou, toujours. Et Taliban, il est Khabar Kaina, il est mansoub. Comme quoi, l'ism Kaina marfou, ou Khabar Kaina mansoub. Maintenant, après ça, il veut prendre un truc nouveau. C'est La Yazalu. La Yazalu. C'est du verbe zala, yazalu. Mais là, on met une négation devant. Quand on dit ça, zala, yazalu, à la base, c'est cessé. Vous voyez? Zala, yazulu. Plutôt. C'est cessé. Et là, quand il est avec le... Tu sais qu'il y a le alif, il y a le waou. Tu peux dire zala, yazulu, ou zala, yazalu, comme on le voit ici. Le fort contre les deux, je ne le connais pas bien. Toujours est-il que quand tu dis Basselin, Ashams Yazulu, Basselin, c'est-à-dire quoi? Le soleil disparaît, cesse. Quand on dit cesse, c'est pas il est plus pesant, mais il est plus au même endroit, par exemple. Vous voyez? Maintenant, on va dire quoi au contraire? Ashams, ou plutôt Ashams, Tazulu, c'est Tazulu, parce que Shams c'est le moins nas. Tu veux dire quoi? Ashamsu. La tazalu murtafi'a, mathalan. Le soleil n'a pas cessé d'être élevé. Donc tazalu, comme on a dit, vient pour quelque sens ne pas cesser, être toujours. Et lui, il prend les mêmes règles que Kaana. Il est parmi les sœurs de Kaana, c'est-à-dire quoi? Qui rentre dans une jumla ismiya, c'est-à-dire famtada khabar, et que le mutada devient le ism de la yazalu. Et le khabar, il devient quoi? Khabar la yazalu. Pareil. Et le isme de la yazalu, il est marfou. Et le khabar, il est mansoub. Mathalan, Awalan te dit Ikra al-misalayn, soumatril la yazalu, al-jumal atiya, ilman bi anna la yazal, min akhawad kaan. Taïb, mathalan, il dit Ibrahim na'imun. Ibrahim dort. Voilà, na'imun, c'est pas un verbe, c'est un isme fa'il, mais qui a le sens du verbe. C'est-à-dire, Ibrahim est en train de dormir. Et après, si on rentre l'ayazel, tu dis l'ayazelu Ibrahim na'iman. C'est-à-dire, Ibrahim est toujours en train de dormir. Mais quand on dit ça, fais attention au mot en français. Si je te dis Ibrahim est toujours en train de dormir, ça peut comporter deux sens. Tu peux vouloir dire que c'est quelqu'un qui dort tout le temps. Vous voyez? Il est toujours en train de dormir celui-là. Par exemple. C'est pas ça qu'on veut, nous. On dit quoi? Que sur le moment-là, Ibrahim est encore en train de dormir, en fait. C'est comme si je te dis Had Ibrahim na'im. Toi, tu veux dire Naam. La Yazel ou Naïman. Il est toujours en train de dormir maintenant là. Mais c'est pas on veut dire que c'est quelqu'un qui dort tout le temps en général. C'est juste là maintenant là, il est encore en train de dormir en fait. Donc, il faut attention à ça. Par exemple, Aminatu Naïmatun. Amina est en train de dormir. La Tazel ou Aminatun Naïmatan. Amina est encore en train de dormir. Donc, il n'a pas cessé de dormir. Enfin, tu vas faire comme l'autre maintenant, Inch'Allah. Tu vas faire les phrases. Et tu rentres là, yazalou ou là, tazalou, en fonction de ce que nécessaire. Inch'Allah, tu nous fais la traduction. La yazalou Hisham. La yazalou Hisham. Non, Hisham, on a Hisham, c'est un célibataire. Non. La yazalou Hisham, on a Zabon. Hisham ne cessera d'être un. On va traduire comme ça là. On dirait plutôt, il est toujours célibataire. Il est toujours célibataire. Donc, comme tu as dit, littéralement, on dirait comme ça, n'a pas cessé de célibataire, mais ça se dit pas chez nous. Nous, on va dire directement, il est toujours célibataire. Non. Al-mudarrisu jalisun 'inda al-mudiri. Le directeur est assis chez le professeur est assis chez le directeur. La yazal al-mudarrisu jalisan 'inda al-mudiri. Yani le professeur est toujours assis chez le directeur. Ahmad maridun. Ahmad est malade. La yazal Ahmad maridan. Ahmed est toujours malade. Non. Al-jawu harun. La ya, n'am, le climat est chaud. Hein? Non. La yazal harru. La yazal al-jawu har. Yani le climat harun. Est toujours chaud. Non. Al-maktabatu mughlaqatun. Yani la maktaba là. La bibliothèque. Elle est toujours fermée. Là, est fermée. Est fermée. Non, la tazalu al-maktabatu mughlaqatan. Yani la bibliothèque, la librairie elle est toujours fermée. Oui. As-siyaratu jadidatun. La voiture est nouvelle. La tazalu as-siyaratu jadidatan. Yani la voiture est toujours nouvelle. Hamid غائب. Hamid est absent. La yazal Hamid غائبا. Yani Hamid est toujours absent. Non, ahsant. Mafhoum hada. طيب. Maintenant il dit ta'amel ma yali. Là ce qui concerne quoi? Alamat al-i'rab fil asma al-khamsa. C'est-à-dire comment on connaît tous les signes de l'i'rab dans les 5 noms. Chose qu'on a déjà appris, alhamdoulilah. Awalan, il dit Al-Marfou Dakhala Zamilouk. Vous voyez? Donc là, Zamilouk, il est quoi? Zamilouk? Non. Dakhala Zamilouk, il est Marfou. Marfou, pourquoi? Parce qu'il est. Parce qu'il est faïl. Ah, il est Moudof. El-Kiaf Moudof, il est. Al-Mansoub, tu dis Ra'aytou Zamilak. Vous voyez? J'ai vu ton camarade. Là, il est Mafoulbi. Al-Majurour. Kultu li zamilik. J'ai dit à ton camarade. Maintenant, avec les Asma al-Khamsa, le signe de l'Irlob, il change. Dans le Rof, dans le Nasb et dans le Jar. Tu veux dire quoi? Jaa Abouka. Comme on l'a dit auparavant. Donc là, Abouka, il est Marfoua. Parce qu'il est Fa'il. Wa alamat al-Rafi'i, elle est Waouh. Le signe de son Rof, c'est quoi là? C'est pas une Dhamma, c'est un Waouh. Al-Mansoub. Ra'aytu abaka. J'ai vu ton père. Donc là, il est mansoub. Parce qu'il est mafoul bihi. Wa alamatu nasbihi, el alif. Là, le signe de son nom, c'est le alif et pas la fatha. Kultu li abika. J'ai dit à ton père. Vous voyez? Et là, il est majurur. Donc tu dis quoi? Il est majur. Wa alamatu jarrihi, el ya. Le signe de son jar, c'est quoi? C'est le ya. Pareillement avec Kalimat Akhou. Tu dis, Kale Akhouka. Ton frère a dit. Il est marfou parce qu'il est fa'il. Warant Rafi, elle waouh. Sa'eltu Akhaka. Là, il est mafoul bihi. Mansoub. Warant Nasbihi. El Alif. À la place de la Fatha. Hadal Kitabu li Akhika. Ce livre est à ton frère ou pour ton frère. Les deux sont valables. Donc, la Akhika, il est majrour. Taïeb. Warant Jarri. Al-Kasra. Donc on connaît les trois signes d'Irlob dans l'Asma al-Khamsa. C'est le Waw dans le Rof. Le Alif dans le Nas. Et le Ya dans le Jar. Il faut qu'il soit Moudof. Il y a des conditions qui viendront plus tard. Il y a des conditions pour pouvoir mettre ces signes-là. Et parmi elles, qu'il soit Moudof. Il dit Khamisan. Imla al-amakin al-khaliya bi ab. Donc maintenant, tu as des phrases avec des trous. Tu vas les combler en mettant le calimètre ab. Et tu agir en conséquence. Abuna tajirun kabirun. Nam, abuna tajirun kabirun. Tajim. Notre père est un grand commerçant. Nam. Hadi siyaratu li abina. Nam. Yani, cette voiture appartient à notre père. Nam. Ara'aita abana. As-tu vu notre père? Nam. Aina dhahaba abuki ya Fatima. Yani, où est parti ton père, oh Fatima? متى خرج أبوك يا علي؟ Quand est-ce qu'est sorti ton père, ou Ali? Après, c'était quoi? Is Ali Abaka? Abaki? Ya Zainab? Interroge. Comme ça, là. Ouais, interroge ton père. Interroge ton père, ou Zainab. أنا أعرف أباك يا عثمان يعني je connais ton père عثمان يا بلال كتبت رسالة إلى أبيك يعني هو بلال j'ai écrit un message pour ton père une lettre. سمعت أن أباها طبيب مشهور يعني j'ai entendu que son père est un médecin célèbre. Sadisan imlel amakin el khalia bi akh. On a fait la même chose maintenant avec akh. Aina akhouka ya Salma? Où est ton père Salma? Kharaja akhouha ma'a akhika. Yani son père est sorti avec son frère. Son frère est sorti avec ton frère à toi. أخذت ألف ريال من أخيك يعني j'ai pris 1000 ريال de ton frère. أظن أن أخاه طالب. Je pense que son frère est un étudiant. أبحث عن أخيك. Je cherche ton frère. نعم. مفهوم هذا؟ نعم أصحيح. طيب الكلمات الجديدة. نهو كبيرة. سفيرٌ جم سفراء ça c'est l'ambassadeur. عميدون le جم c'est عمداء celui-là attends on va le prendre dans le commence maintenant. De quoi c'est quoi tu vois? Donc c'est doyen comme on l'a trouvé alhamdulillah. À la base c'est un chef tu vois mais là dans l'école ça va être un doyen. C'est qui le doyen? Tu te rappelles c'est quoi un doyen? C'est le plus ancien de l'école à la base. L'ancien comme on dit. فعمداء c'est le jam. ترك يترك c'est laissé. مغلق fermé. مريض جم مرضى ça c'est malade. ألف يؤلف ça peut avoir plusieurs sens et parmi eux rassembler. Ça peut être aussi qu'on dit ألف كتابا c'est en fait il a écrit un livre dans le sens qu'il a rassemblé des choses dedans. Aimt. Shurtiyun, jam, shurta, ça c'est un policier. Et quand on dit shurta avec le ta là, c'est la police. En fait. Voilà, c'est la police. Wa mutaqa'id, ça c'est retraité. Enfin, la dégasuel. Mandisuel. Pas fou, Ivan. Plus facile qu'hier. Enfin, l'acte fait bien, d'accord, alhamdulillah, rabbil alamin.